Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la suite d'une comédie à succès. Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles expositions et parmi elles, l'ancestrale tablette des pharaons au pouvoir magique. Désormais, la nuit, toutes les animations du musée prennent vie, y compris le maléfique pharaon Khamun-Ra et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et Napoléon. Dans le plus grand musée du monde, quelque chose d'énorme se prépare. Retrouver d'anciens amis. Content de vous voir, mon garçon. Mais c'est monsieur, je me la pète en personne. Et de nouveaux ennemis. Je suis Khamun-Ra, de retour à la vie. Oui, je vois ça, j'ai bien compris. Cool pour toi. Cette fois... Enchanté, messieurs. Ivan le Terrible, Napoléon Bonaparte, Al Capone... J'ai vu celle-là. Monsieur le penseur, nous avons besoin qu'on nous traduise cette tablette. Je pense... Non, là c'est pas possible. On ne peut pas tous être Einstein. Lui il est, toi aussi, moi aussi. Tout ça c'est un relatif. Le délire n'a plus de limites. Prêt à décoller. La nuit au musée 2, une comédie avec Ben Stiller et Alain Chabat, un DVD Fox Pathé Europe 1.